Le professeur Dr Bergholtz, sur les dommages et les décès liés au vaccin Covid, nous avons un problème. Lors de la conférence de presse de scientifiques, médecins, juristes et surtout de pathologistes, le 20 septembre 2021 à Rüttlingen, des faits ont été exposés au grand jour qui sont largement passés sous silence par le monde politique et les principaux médias. Des experts se sont longuement penchés sur la question de savoir si les vaccins Covid-19 ont des effets secondaires importants, y compris des décès, et si les vaccins contiennent des ingrédients non déclarés. Au vu de l'augmentation spectaculaire du nombre de victimes de la vaccination et de décès pour la seule année 2021, le professeur Werner Bergholtz, ancien professeur à l'université Jacobs de Brême, tire la conclusion suivante: nous avons un problème. Cela demande une enquête très précise. Il est bien sûr très important, dans le cas des vaccinations, d'évaluer les risques de la maladie ou ceux de la vaccination. Oui, la question est, avons-nous un risque? Ou, en d'autres termes, avons-nous un problème? Et la réponse est, oui, certainement, nous avons un problème. De 2000 à 2020, nous avons eu environ 40 millions de vaccinations par an et environ 20 décès mis en corrélation étroite de temps avec la vaccination. Cette année, jusqu'à juillet inclus, nous avons 1230 décès jusqu'au 31 juillet. Cependant, nous avons déjà effectué 80 à 90 millions de vaccinations cette année avec ces différents vaccins Covid-19. Cela signifie que, si vous faites le calcul, nous avons 20 décès d'un côté, 1200 de l'autre. Mais ici, on arrive tout de même, selon comment on le calcule, à un chiffre beaucoup plus élevé, entre 30 et 100. Il ne s'agit donc pas d'une légère augmentation, mais d'une augmentation dramatique. De plus, cela ne s'applique pas seulement aux personnes décédées. Nous avons jusqu'à présent 1230 personnes décédées en Allemagne, selon le rapport de l'Institut Paul Ehrlich, et plus de 14 000 personnes décédées dans la base de données de l'EMA au niveau européen. Cependant, d'après mes investigations, les 1200 morts allemands n'y sont pas comptés. Apparemment, il y a des retards dans les rapports, mais est-ce bien cela? Et nous avons, vous pouvez faire le calcul, multiplié par au moins un facteur 10 les personnes ayant des atteintes graves. Donc, encore une fois, avec les vaccinations, il y a 10 à 20 fois plus d'atteintes graves que normalement. Il doit y avoir une raison à cela. J'ai souvent été confronté à des situations similaires dans mon travail et il existe une approche très systématique pour analyser un tel problème et pour trouver finalement, je l'espère, une solution. Et l'une de ces méthodes est celle dont nous allons parler dans un instant. Ce que je voudrais dire avant de passer la parole, vous pouvez jeter un coup d'œil au spectre ou à tous les effets secondaires. Sur le site web de l'Institut Paul Ehrlich, on trouve déjà ces informations, mais sous une forme, à mon avis, peu claire et non standardisée. Il existe évidemment une norme. Si vous allez sur le site web de la Norvège, du Royaume-Uni ou de l'EMA, il s'agit toujours d'une liste standardisée de symptômes ou d'organes affectés ou de fonctions corporelles. En tout cas, on peut dire que cela se ressemble partout. Il existe également des similitudes entre les vaccins ARN-M et les vaccins d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Et en règle générale, il n'y a pas d'organe qui ne soit pas touché chez quelqu'un. Il n'y a pas de fonction corporelle ou de symptômes qui ne soient déjà concernés. Je n'en citerai que quelques-uns. Cécité, surdité, crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, divers problèmes graves au niveau des organes digestifs, etc., etc. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour chacun. Et il y a aussi de nombreux cas où il ne se passe presque rien. Nous parlons de 100 000 cas en Europe, qui sont plus ou moins graves. Je pense qu'il y a bien plus d'un million de cas rapportés. Eh bien, enfin, avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais mentionner un autre chiffre que je trouve particulièrement alarmant. Depuis quelques semaines, nous avons l'approbation ou la recommandation de la commission permanente de vaccination de vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. Selon le rapport de sécurité de l'Institut Paul Ehrlich, il y a déjà eu environ 200 effets secondaires graves et un enfant est mort. Une meilleure base de données est l'EMA. Bien sûr, d'autres bases le sont aussi beaucoup plus. 39 enfants sont morts et bien plus de 2000 enfants gravement atteints. Et je vous assure que la majorité serait encore en bonne santé. Voici mon opinion. Nous avons un problème. Et maintenant, je passe la parole à mes collègues pour l'analyse du problème.